Chapitre 4. Valses hésitations. Sous les lustres scintillants, le décor somptueux plongea Victor d'Avron dans l'opulence éclatante de l'hôtel de Jarre. Les murs couverts de miroirs encadrés de dorures, les fresques délicates qui ornaient le plafond et les pilastres élégamment sculptés, conféraient à la salle de bal une grandeur princière. Au centre de cette majesté, le parquet de marbre poli captait les éclats de lumière, multipliant les reflets des lustres et transformant les danseurs en figures féeriques, tourbillonnant au rythme d'une valse qui semblait suspendre le temps. Victor y retrouva Stéphane Bern, non loin de l'estrade où l'orchestre, sous le rideau de velours grenat, venait de terminer un galop de Johann Strauss père. Les musiciens, impeccablement habillés, préparaient leurs archets pour enchaîner avec une pièce encore plus majestueuse, la valse de l'empereur de Johann Strauss fils. Dès les premières notes, la musique emporta les couples sur la piste, leurs mouvements harmonieux dessinant de larges cercles d'élégance. C'est alors que Victor, remarquant les délicats anneaux d'argent aux doigts des jeunes débutantes, se pencha vers Bern, baissant la voix pour ne pas troubler l'atmosphère feutrée. « Monsieur Bern, pourriez-vous éclairer ma lanterne? Ces anneaux que toutes ces jeunes femmes portent, elles les manipulent avec une dextérité presque calculée. Est-ce une simple mode ou bien dissimule-t-il un sens particulier ?» Stéphane Bern, toujours ravi de transmettre ses connaissances, posa une main amicale sur l'épaule de Victor, son sourire conspirateur éclairant son visage. « Mon cher Victor, voilà une observation des plus judicieuses. Ces anneaux que vous voyez là ne sont pas anodins. Ce sont des anneaux de Cladagh, un bijou irlandais empreint de symboles et de traditions. Regardez-les de près. Chaque bague porte trois motifs distincts, deux mains, un cœur et une couronne. Les mains symbolisent l'amitié, le cœur l'amour et la couronne la loyauté. » Victor hocha la tête, intrigué, tandis que Bern poursuivait, son ton prenant une nuance dramatique. Ces bagues remontent au XVIIe siècle et proviennent d'un modeste village de pêche irlandais nommé Cladagh. Ce bijou, autrefois simple et utilitaire, est devenu un anneau de mariage traditionnel dans la culture irlandaise. Mais ici, dans le contexte du bal des débutantes, il a été réinterprété pour un usage plus subtil, presque ludique. Un code, si vous voulez. Stéphane Bern désigna d'un geste discret une jeune femme en robe bleue qui riait doucement au bras de son cavalier près d'une tapisserie d'aubusson représentant une scène de chasse. Tandis qu'elle écoutait son partenaire, ses doigts fins faisaient tourner un anneau d'argent le long de son doigt avec une douceur presque hypnotique. « Regardez bien, Victor, » murmura Bern, abaissant légèrement la voix pour ne pas troubler l'atmosphère feutrée. À leur arrivée, toutes les débutantes portent leur bague sur la main droite, avec le cœur orienté vers l'extérieur. Cela signifie qu'elles sont libres de tout engagement, que leur cœur est à prendre. Il marqua une pause, savourant l'attention captivée de Victor, avant de poursuivre. Mais s'il décide de retourner l'anneau, toujours sur la main droite, mais cette fois avec le cœur tourné vers l'intérieur, cela signifie qu'elle est intéressée par son cavalier. Un geste discret, mais suffisamment éloquent pour les initiés. La jeune femme, comme pour illustrer ses propos, fit brièvement tourner la bague avant de la replacer dans sa position initiale, un léger sourire flottant sur ses lèvres. « Regardez bien ces gestes, comte, » reprit-il avec une lueur malicieuse dans le regard. « C'est une chorégraphie muette. Chaque mouvement de l'anneau raconte une histoire, souvent bien plus sincère que les mots échangés dans ce genre d'assemblée. » Avron, intrigué, observa le balai subtil des mains, captivé par ce langage silencieux qui semblait dévoiler davantage qu'il ne voulait dissimuler. Les réactions des amis de la jeune femme, sourire complice au regard teinté d'une pointe de jalousie, ajoutaient une dimension collective à ce qui aurait pu n'être qu'un geste intime, transformant ce bal en une véritable scène d'échange codé presque stratégique. Bern, fidèle à son rôle de maître en subtilité mondaine, se pencha légèrement vers Victor et d'un ton sentencieux déclara « Observez bien, mon cher, et vous comprendrez, ici, même les silences dansent. » Un sourire complice au coin des lèvres, il effleura le bras de Victor pour attirer son attention sur une autre scène. La jeune femme, à peine hésitante, fit tourner sa bague entre ses doigts avant de la replacer, presque comme une signature discrète. Bern savourait visiblement son rôle de guide, ajoutant avec un clin d'œil « Regardez là-bas, » murmura-t-il d'un ton conspirateur, « Voilà un moment qui mérite toute votre attention. » Il désigna discrètement une jeune femme en robe bleue, assise à une table non loin, entourée d'amis. Ses doigts fins manipulaient un anneau d'argent, jouant avec le bijou d'une manière presque absente. Mais bientôt, son hésitation apparente céda à une détermination douce. Sous le regard curieux et parfois envieux des autres débutantes, elle retira lentement la bague de sa main droite pour la glisser à la gauche. Dans ce mouvement précis et mesuré, elle tourna le cœur vers l'intérieur, scellant ainsi un message silencieux mais lourd de sens. Les réactions ne se firent pas attendre. Une amie à ses côtés lui adressa un sourire complice, visiblement ravi pour elle, tandis qu'une autre, légèrement en retrait, dissimulait mal une pointe de jalousie dans le pli de ses lèvres. Quelques murmures légers parcoururent le groupe, mais rien qui ne put briser la subtilité du moment. Victor, attentif, suivit des yeux chaque geste de la jeune femme, captivé par ce langage silencieux. Stéphane Bern, savourant son rôle de guide, se pencha vers lui avec un clin d'œil amusé. « Vous voyez, comte, voilà le dernier geste, le plus audacieux. Quand une débutante choisit de glisser la bague sur sa main gauche, avec le cœur orienté vers l'intérieur, c'est une déclaration. Elle accepte de revoir ce galant après le bal. Une promesse d'avenir, et un message impossible à ignorer, même dans une salle aussi pleine que celle-ci. » Victor resta silencieux un instant, observant les dynamiques subtiles qui se jouaient autour de cette jeune femme. Ce n'était pas seulement elle et son cavalier qui étaient impliqués. L'ensemble de l'assemblée féminine semblait partager ce moment, que ce soit dans la complicité ou l'envie. Tout cela ajoutait une dimension fascinante à cet événement mondain, transformant une simple danse en un jeu d'ombre et de lumière où chaque geste pouvait être porteur de conséquences. Bern, toujours maître de la scène, se redressa avec un sourire satisfait. Un bal, comte, n'est jamais qu'un simple bal. Observez, apprenez, et vous verrez, c'est un univers entier, un théâtre, où chaque rôle doit être minutieusement joué. Victor, un sourire naissant sur les lèvres, réfléchit à la complexité élégante de ce code. Cette mécanique raffinée ajoutait une dimension presque stratégique au bal. Ce n'était pas seulement un défilé de convenances, mais un jeu sophistiqué où chaque geste, chaque détail, portait un sens. « Un langage secret entre initiés, » murmura-t-il. « Fascinant. » « Et dangereux, comte, » répliqua Bern, avec une malice non dissimulée. « Si vous voulez jouer, soyez prêt à risquer bien plus qu'une danse. » Un sourire effleura les lèvres de Victor. Il était charmé par l'élégance presque chorégraphiée de ce rituel, prenant pleinement conscience de la manière dont ce langage muet facilitait les échanges, tout en préservant la grâce et la retenue attendue de cette noble assemblée. Chaque geste, aussi discret soit-il, devenait un révélateur de sentiments, un indicateur des dynamiques invisibles qui se jouaient entre les convives. D'un simple coup d'œil, il était possible de deviner la situation de cœur de chaque débutante, captant dans la manipulation de ses anneaux la subtile symphonie de promesses et de désirs qui animait cette danse sociale. C'était un univers feutré et codifié, où l'amour et la loyauté se mêlaient avec une délicatesse infinie, transformant le bal en un jeu raffiné, presque ésotérique. Dans cette atmosphère de regards échangés et de gestes calculés, les émotions prenaient vie, fugaces et lumineuses, dans l'éclat discret d'un bijou d'argent poli. Soudain, Stéphane Bern, qui donnait toujours l'impression d'être à la fois ici et ailleurs, leva les bras au ciel avec un enthousiasme débordant et lança d'une voix tonitruante. « Ah, monsieur le duc de Chevreuse, quelle joie de vous voir !» Joignant le geste à la parole, il s'éloigna d'un pas alerte en direction d'un jeune homme grassouillet, plus absorbé par les délices du buffet que par les harmonies élégantes de l'orchestre. Victor, désormais seul, en profita pour jeter un coup d'œil furtif vers Camille de la Modiquière. Camille, toujours installée sur sa banquette, semblait indifférente au tumulte qui régnait autour d'elle. Le menton posé sur une main, sa posture décontractée et son regard absent trahissaient un détachement presque insolent. Ses doigts effleuraient distraitement le rebord d'une coupe de champagne, dessinant de petits cercles comme pour rompre l'ennui latent. Ses yeux, mi-clos, suivaient le mouvement des danseurs sans s'y attarder, comme si elle cherchait autre chose dans cette scène trop parfaite. L'émerveillement initial que le bal avait pu susciter en elle semblait avoir cédé la place à un ennui palpable, comme si le tourbillon des robes et des rires n'était plus qu'un bruit de fond dans un tableau qu'elle observait sans réelle implication. Victor, depuis son poste d'observation, la contemplait avec prudence. Il était temps d'agir. Un plan s'était formé dans son esprit, un stratagème à la fois audacieux et calculé, pensé pour éveiller la curiosité de Camille, sans jamais franchir cette ligne invisible qu'elle imposait à ceux qui tentaient de l'approcher. S'ajustant légèrement, il lissa le revers de sa veste, vérifia que son nom papillon était parfaitement droit et esquissa un sourire en coin. Chaque détail de sa mise en scène comptait. Victor se leva d'un pas assuré, traversant la salle avec la désinvolture étudiée d'un homme qui semblait simplement flâner, bien que chaque geste fût minutieusement calculé. Au buffet, où une variété de mets finement présentés et une grande diversité de boissons brillaient sous la lumière des lustres, son regard s'arrêta sur un détail apparemment anodin mais prometteur. Des sous-bocs en papier, simples mais élégants, destinés à accompagner les verres de jus de fruits. En en saisissant un, il balaya la salle du regard, ses yeux s'arrêtant sur l'une des duègnes, une femme d'une cinquantaine d'années, dont le rouge à lèvres éclatant et la posture droite trahissaient une confiance naturelle. S'approchant d'elle, son sourire charmeur illuminant son visage, Victor se composa une expression d'angelot légèrement espiègle. « Madame, puis-je vous poser une question ?» La duègne, surprise, mais visiblement flattée de retenir l'attention d'un jeune homme aussi élégamment mis, lui adressa un sourire poli teinté de curiosité. « Certainement, monsieur, que puis-je faire pour vous ?» Victor inclina légèrement la tête, prenant un air de conspirateur, comme s'il partageait un secret qui n'était destiné qu'à elle. « Ce rouge à lèvres que vous portez, il me semble absolument parfait. Auriez-vous l'amabilité de m'en donner le nom ? Une amie à moi serait ravie de le découvrir, j'en suis certain. » La femme cligna des yeux, surprise par la question inattendue, avant de laisser s'épanouir un sourire satisfait. « C'est le rose d'Ost, monsieur, une teinte indémodable. » Victor hocha la tête avec une admiration feinte, mais parfaitement convaincante. « Un choix impeccable, sans aucun doute. Je vous remercie. Mais j'ose vous demander une faveur, disons, un peu particulière. » Il sortit le sous-boc en papier, le plaçant délicatement sur le bord de la table. « Consentiriez-vous à y apposer la marque de vos lèvres ? Cela me ferait un excellent pense-bête pour retrouver cette merveille en parfumerie. » La duègne écarquilla légèrement les yeux, jetant un regard furtif autour d'elle avant qu'un éclat d'amusement ne traverse son visage. Flattée par cette requête singulière, elle passa discrètement un doigt sur ses lèvres pour s'assurer de leur perfection, puis se pencha pour proposer un baiser délicat sur le sous-boc. L'empreinte rose vive qu'elle y laissa était parfaitement dessinée, preuve d'un geste exécuté avec soin. Victor, ravi, inclina légèrement la tête en signe de gratitude, son sourire éclatant illuminant encore davantage son visage. « Vous êtes bien aimable, madame. Je ne saurais trop vous remercier. » Il glissa le sous-boc dans la poche intérieure de sa veste avec une précision presque rituelle, puis s'éloigna d'un pas léger, son allure calculée trahissant à peine l'amusement intérieur que lui procurait la réussite de cette première étape. Victor avait déjà repéré son prochain objectif, une jeune femme à la chevelure rousse flamboyante, si gracieuse et élégante qu'elle aurait pu être l'une des reines du bal. Ses traits délicats et son port altier semblaient en contradiction avec son rôle de maîtresse d'hôtel, mais c'était précisément cette incongruité qui la rendait d'autant plus fascinante. Ses yeux verts, captant chaque éclat des chandeliers, ajoutaient à son aura une intensité presque magnétique. Traversant la salle avec l'aisance d'une actrice sur une scène, elle faisait tourner quelques têtes, y compris celles des jeunes cavaliers qui semblaient oublier un instant leur partenaire. Victor, ajustant son attitude avec sa désinvolture habituelle, s'approcha d'elle avec un sourire léger mais calculé. « Mademoiselle, puis-je vous demander un renseignement ?» Elle posa un regard intrigué sur lui, un peu surprise par l'approche, mais flattée par l'attention. « Bien sûr, monsieur, que puis-je faire pour vous ?»« Votre société de traiteurs m'impressionne par son professionnalisme. Je prévois d'organiser un événement prochainement et j'aimerais beaucoup pouvoir compter sur vos talents pour l'occasion. » Elle lui adressa un sourire, cherchant à deviner si ce beau jeune homme parlait vraiment de travail ou dissimulait un intérêt plus personnel. Rougissant légèrement sous l'effet du compliment inattendu, elle hocha la tête avec une timidité charmante. Préférant rester professionnelle, elle répondit avec sobriété : « Je vais vous donner le numéro de l'agence, monsieur, un instant. » Elle fit mine de chercher un carnet ou un stylo, mais Victor, anticipant son geste, tendit un sous-boc avec un air faussement distrait. « Oh, c'est parfait, mais peut-être pourriez-vous également y inscrire un numéro où je pourrais vous joindre directement, si jamais j'avais besoin de clarifier quelques détails ou de m'assurer que vous soyez assigné à l'événement. Après tout, votre présence fait toute la différence. » Interloquée, la jeune femme hésita un instant, mais le compliment, habilement tourné, fit mouche. Son sourire s'élargit tandis qu'elle sortait un stylo de la poche de son tablier. « Eh bien, c'est un honneur, monsieur. Voici mon numéro. Vous pouvez m'appeler directement si besoin. » Elle traça soigneusement des chiffres ronds et précis sur le dos du sous-boc, son écriture nette et appliquée. En lui tendant l'objet, elle ajouta timidement « Mais n'oublie pas de contacter l'agence pour les aspects logistiques. Ils sont très compétents. » Victor la remercia avec chaleur, inclinant légèrement la tête. « C'est très aimable à vous, mademoiselle. J'espère donc avoir l'occasion de vous revoir. » Le compliment fit rosir davantage ses joues. Elle reprit son plateau avec une élégance qui ne faisait que renforcer son incongruité dans ce rôle avant de s'éloigner. Victor, glissant le sous-boc dans sa poche intérieure avec une satisfaction contenue, sentit quelques regards intrigués se poser sur lui. Il savait que cet échange n'échapperait pas à Camille. Son regard aiguisé, habitué à scruter les détails et les nuances, capterait immanquablement la présence captivante de la serveuse et l'attention qu'elle suscitait. Rien n'avait été au hasard. Chaque geste, chaque mot avait été soigneusement choisi et tout semblait se dérouler comme Victor l'avait minutieusement imaginé. Le sous-boc, marqué d'un rose vif et orné d'un numéro inscrit avec soin, n'était plus un simple bout de carton. Il s'était transformé en une pièce maîtresse d'une partie d'échecs, un élément stratégique dans le jeu que Victor s'apprêtait à jouer. Avec la belle rebelle comme adversaire, il avançait tel un cavalier, calculant chaque mouvement, prêt à capturer la reine au moment idéal. Victor, sûr de son fait, s'avança vers Camille d'un pas décidé. La jeune femme était toujours assise, son allure élégante tempérée par une lassitude subtile. Ses yeux erraient sur la salle, comme si rien ni personne ne méritait réellement son attention. Arrivé à sa hauteur, il s'inclina légèrement, affichant une politesse empreinte de déférence. « Mademoiselle, auriez-vous l'amabilité de m'autoriser à m'asseoir ici ? » demanda-t-il en désignant la place libre à ses côtés. Camille leva les yeux vers lui et arbora une moue légèrement dubitative. Après un moment de silence, elle haussa les épaules avec une indifférence étudiée. « Faites donc !» Victor s'installa à côté d'elle avec une nonchalance étudiée. Il laissa s'écouler quelques instants, avant de glisser une question légère, presque anodine. « Dites-moi, à partir de quelle heure est-il acceptable de s'échapper de cet enfer ?» Camille tourna la tête vers lui, un peu surprise par l'incongruité de la question, avant de répondre avec détachement « Minuit, pas avant. » Victor, une lueur malicieuse dans le regard, se pencha légèrement vers elle, comme pour partager un secret. « Minuit, vous m'en direz tant. On aurait tout droit sorti d'un conte de fées. C'est après tout l'heure où les carrosses redeviennent des citrouilles. Sans doute une manière subtile de mettre à l'épreuve les prétendants, ceux qui fileront à Ferrari au bras d'une belle et ceux qui repartiront seuls, à pied, citrouille sous le bras. » Camille, surprise par cette remarque inattendue, baissa légèrement les yeux, tentant de dissimuler son amusement, mais le léger tremblement de ses épaules trahissait un rire qu'elle s'efforçait d'étouffer. Finalement, elle releva la tête, un éclat espiègle dans le regard, et répliqua sur le même ton « Et vous, jeune gaillard, seriez-vous plutôt du genre à louer une calèche ou à improviser avec une citrouille ?» Victor, feignant une réflexion des plus sérieuses, porta une main à son menton, adoptant une posture théâtrale. « Tout dépend, » répondit-il d'un ton léger mais précis. « La belle préfère-t-elle les romances fleurs bleues ou exige-t-elle que le prince charmant affiche des chevaux sous le capot ?» Camille haussa légèrement un sourcil, piqué au jeu, et rétorqua avec une mimique faussement songeuse. Peut-être qu'elle attend simplement un prince capable de se débrouiller avec ce qu'il a. Les citrouilles, après tout, ont le mérite d'être écologiques. Victor, imperturbable, acquiesça lentement comme s'il réfléchissait sérieusement à la remarque. Dans ce cas, il faudra que je m'assure d'avoir toujours une citrouille à portée de main. Mais avouez, baronne, une femme comme vous ne se contenterait pas du premier venu. Vous attendriez un véritable magicien, capable de transformer cette scène en un enchantement digne de vous. Camille posa son menton dans sa main, le coude appuyé sur la table, et le fixa avec un air faussement sévère. « Vous êtes ambitieux. » Transformer déjà cette soirée en quelque chose d'intéressant, ce sera un bon début. Victor éclata d'un rire bref, clairement amusé par sa répartie. Sera, donc je peux rester. Très bien. Alors considérons cela comme un défi, lança-t-il, son ton à la fois léger et prometteur. Camille lui adressa enfin un sourire large et sincère, suivi d'un soupir faussement agacé. Touché, pour l'instant, souffla-t-elle, refusant encore de s'avouer totalement vaincue. Leur échange, ponctué de touches d'humour et de malice, semblait s'extraire du tumulte feutré du bal. Ce moment suspendu, presque hors du temps, effaçait les regards alentour et les rôles rigides qu'ils avaient jusqu'alors portés. Ayant réussi à briser la glace, Victor marqua une pause, puis changeant légèrement de ton, il reprit avec un sourire sincère. « Mais je manque à tous mes devoirs. Je me présente. Victor Poisil-Davron, comte. Et vous êtes ?» Camille hésita une fraction de seconde, comme si elle mesurait l'intérêt de répondre non à cet inconnu. Mais curieuse malgré elle, elle finit par céder, répondant avec une politesse teintée d'une certaine fierté. « Camille Rondeau de la Modiquière, baronne. » Victor inclina légèrement la tête, son sourire se faisant plus engageant. « Flatté, mademoiselle de la Modiquière. Mais je crois deviner que, tout comme moi, vous êtes ici à contre-cœur. » Camille hocha légèrement la tête, un éclat amusé mais distant dans le regard. « En êtes-vous sûr, vous concernant ? Vous ne semblez pas si désespéré que cela. Vous paraissez même fort occupé à séduire. » Victor, loin de se laisser déstabiliser par cette pique, adopta un ton légèrement et faussement innocent. Il désigna alors discrètement la serveuse rousse qui traversait la salle, captant les regards sur son passage. « Séduire ? Oui et non. À vrai dire, je pense avoir trouvé mon bonheur pour l'after. Cette serveuse rousse, là-bas, elle est sublime, n'est-ce pas ?» Camille fronça légèrement les sourcils et se rembrunit. Elle se redressa instinctivement, la tête haute, visiblement offusquée par l'apparente indélicatesse de cette vantardise. Voilà un commentaire singulier pour quelqu'un qui demande à s'asseoir à mes côtés, rétorqua-t-elle, le ton légèrement piqué. Cependant, malgré son irritation, son regard finit par suivre celui de Victor. La serveuse, avec sa chevelure flamboyante et son allure gracieuse, ne pouvait passer inaperçue. Ses gestes élégants, son port de tête altier et son sourire naturel la rendaient particulièrement attrayante. Camille, bien que toujours agacée, ne put s'empêcher de convenir qu'il avait raison. Après un bref silence, elle répondit avec une pointe d'ironie teintée d'admiration. « Je dois admettre que n'importe quel homme serait comblé d'obtenir le 06 de cette merveille. » Victor esquissa un sourire, une étincelle malicieuse dans les yeux. « C'est exactement ce que je me suis dit, » lança-t-il en sortant de sa poche le sous-boc. Il le fit pivoter entre ses doigts, révélant tour à tour l'empreinte de rouge à lèvres rose vif et le numéro soigneusement tracé au dos. Camille haussa un sourcil, de plus en plus contrariée. Croisant les bras, elle adopta une posture résolument défensive, son regard aiguisé braqué sur lui. « Impressionnant !» déclara-t-elle d'une voix lisse, presque distante. « Mais cela prouve surtout une chose, vous n'avez pas besoin de moi. » Victor inclina légèrement la tête, ses traits prenant une expression à la fois sérieuse et complice. « Là, vous vous trompez, mademoiselle. Vous êtes essentielle à mes yeux. Imaginez, je suis, semble-t-il, un parti enviable, ce qui fait que je ne peux faire un pas dans cette salle sans qu'on me lance des œillades suggestives ou qu'on tente de capter mon attention. Alors que comme vous, je n'aspire qu'à un peu de tranquillité. » Il marqua une pause, plongeant ses yeux bleus dans ceux noisettes de Camille avec une intensité qui la fit légèrement vaciller. Puis, d'un ton plus léger, il poursuivit. « C'est là que vous intervenez pour me sauver. Rassurez-vous, ce sera un jeu gagnant-gagnant et totalement factice. » Intriguée, Camille inclina légèrement la tête, l'incitant implicitement à continuer. « Voici ma proposition. Accordez-moi une danse. Cela fera diversion et donnera le change à nos fans respectifs. Ensuite, jouez subtilement de votre anneau. Rien de trop significatif, juste un petit geste pour signifier notre intérêt mutuel. Enfin, retournons-nous ici pour discuter de tout sauf de ce bal. Consacrez-moi une demi-heure et après cela, je m'envole. » Camille resta silencieuse un instant, effleurant distraitement son anneau du bout des doigts. Elle semblait peser ses options, son regard fixant celui de Victor comme pour percer à jour ses véritables intentions. Finalement, un sourire amusé éclaira son visage. « Très bien, monsieur le comte. Une danse, un badinage, et après cela, nous verrons. » Victor se leva avec élégance et lui tendit son bras. Camille, dans un geste tout aussi étudié, posa délicatement sa main dessus. Ensemble, ils avancèrent vers la piste de danse, tandis que l'orchestre entamait les flots de joie, une grande valse, des 1000 bals de Teufel. Les regards convergèrent instantanément vers eux. Camille, qui jusque-là était passée presque inaperçue, semblait métamorphosée. Sa robe blanche tourbillonnait autour d'elle, et elle virevoltait avec une aisance naturelle, un tourbillon inattendu et suggestif qui captiva les spectateurs. Victor, concentré sur ses pas, ne put s'empêcher de sourire en la voyant si à l'aise, presque rayonnante. Quand la musique s'acheva, ils s'arrêtèrent, légèrement essoufflés, un sourire complice illuminant leurs deux visages. Lorsqu'ils passèrent près des tables, Camille joua ostensiblement avec son anneau, le faisant tourner sur sa main droite. Le cœur s'orienta brièvement vers l'intérieur, un geste subtil mais calculé, qui avait vocation à servir de répulsif pour les importuns. Ignorant les regards curieux de l'assistance, ils regagnèrent leur coin isolé, leurs mouvements synchrones, comme s'ils avaient déjà établi une connivence secrète. De retour sur la banquette, Camille et Victor échangèrent un regard empreint d'amusement. Autour d'elle, la salle continuait de vibrer au rythme des conversations et des valses, mais ils se sentaient à l'écart, protégés dans une bulle toute neuve qui n'appartenait qu'à eux. Victor rompit le silence le premier d'un ton léger. Alors, qu'allons-nous inventer pour remplir ces demi-heures volées ? Camille, un sourire malicieux aux lèvres, répondit simplement « Surprenez-moi ». Victor, après un instant de silence, lança la conversation avec une question sur les artistes contemporains français. Camille, dont le ton joué laissait transparaître ses études aux beaux-arts, se prêta au jeu en parlant de ses artistes favoris, mais elle se surprit rapidement à l'écouter davantage qu'elle ne s'exprimait. Victor, habitué des galeries d'art de New York et particulièrement du MoMA, connaissait en détail les subtilités de l'art contemporain. Il évoqua avec aisance une installation du sculpteur Richard Serra ou une performance de Yayoi Kusama, partageant anecdotes et interprétations avec une passion que Camille ne lui aurait pas imaginée. L'intelligence de ses propos, sa sensibilité même, impressionnèrent autant qu'il la surprise. Peu à peu, se départit de sa méfiance initiale, réalisant qu'au-delà de ses airs de séducteur, Victor possédait une véritable culture et un goût sincère pour l'art. En l'écoutant, Camille se sentit elle-même devenir plus authentique, plus libre. Elle partagea ses propres impressions sur ses études, les frustrations de l'académisme, ses inspirations secrètes et même l'envie de se lancer dans un art plus radical, plus engagé. Ils parlèrent poésie, citant ici un vers de Rimbaud, là une strophe de Musset. Il fut frappé par la délicatesse avec laquelle il faisait résonner les mots. Les minutes filaient, et plongés dans leurs échanges, ils ne virent pas l'heure tourner. Lorsque l'horloge sonna les 12 coups de minuit, ils ne bougèrent pas comme envoûtés l'un par l'autre. Vers 2 heures du matin, les derniers couples amorçaient leurs adieux, et la lumière des lustres s'adoucissait lentement, signalant la fin de la soirée. Victor, sans se précipiter, roula en boule le fameux sous-boc décoré du baiser et du numéro de la serveuse rousse, un sourire en coin. Il attendit que Camille le remarque, puis, d'un geste théâtral, mais sans ostentation, il le jeta dans la poubelle la plus proche. La pointe de jalousie qui avait effleuré Camille quelques heures plus tôt se dissipa en un sourire radieux. Victor lui tendit galamment le bras. « Baronne, me feriez-vous l'honneur de quitter ces lieux en ma compagnie ?» Camille, d'un geste léger, glissa sa main dans la sienne. Ils quittèrent la soirée ensemble, aussi élégants que mystérieux, aux yeux des quelques invités qui les regardaient partir, convaincus qu'ils étaient en train d'assister à la naissance d'une merveilleuse idylle.